le président Rocou, Claude Pieplu, l'avocat général, Jean Brassin. Et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amsi, Alain Kerval. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 31 août 1983. Bientôt, la fin et la résolution du mystère de la Chambre jaune. Comme l'on sait, Gaston Leroux avait écrit sa suite, Le parfum de la dame en noir. En 1993, l'écrivain José Cabanis revenait sur le bon bout de la raison. Alors, ce qui est intéressant, voyez-vous, pour ces deux livres, aussi bien Le parfum de la dame en noir que La Chambre jaune, c'est que l'auteur, Gaston Leroux, a voulu recommencer et faire mieux, d'ailleurs il le dit lui-même, que Conan Doyle et qu'Edgar Poe. Parce que dans Edgar Poe et dans Conan Doyle, il y a aussi des chambres qui sont absolument closes et où un crime a lieu qui paraît inexplicable. Mais ces chambres ne sont pas si closes que ça, il y a toujours un petit pertuis par lequel peut passer l'assassin ou du moins son instrument. Tandis que là, il a voulu refaire la même chose, mais avec une chambre qui est vraiment close, c'est la chambre jaune. Et d'autre part, il dit lui-même qu'il a voulu faire une réplique de Sherlock Holmes dans Rouletabille. Alors ça nous ramène un peu au personnage, en sens que Sherlock Holmes était quelqu'un qui prétendait résoudre les problèmes criminels par sa seule intelligence, par son calcul. Et bien lui aussi, le jeune Rouletabille, à 18 ans, veut aussi, sa formule est de prendre le bon bout de sa raison. C'est-à-dire qu'il se met en face du problème, il ne va pas rechercher à droite et à gauche des indices, mais il raisonne, il essaie de raisonner juste. Et sa force, la force de Rouletabille, qui était celle un peu de Sherlock Holmes, c'est justement qu'il résout tout par sa raison. Alors il se trouve par conséquent qu'une fois que ces deux livres ont été écrits, qui ont eu un succès considérable, il faut bien avouer que le Gaston Leroux a été pris un peu par le vertige, par le tourbillon du succès. Et que les suites de ces deux livres ne sont pas du tout pareilles. Je veux dire par là que ce côté mécanique du roman policier, où chaque élément, chaque événement, chaque trait a une signification, que chaque élément, chaque trait épaissit le problème d'un côté, mais sans que le lecteur le sache encore, il le verra plus tard, lui apporte aussi une solution, un élément de solution. Tout ça, c'est très calculé. C'est un échafaudage, une mécanique très, très parfaite. Tandis que dans les livres qui vont suivre, alors ce sont des romans d'aventure, avec des chevauchés, des enlèvements, des châteaux, enfin tout ça, c'est tout à fait autrement. Et il y a encore quelque chose de supplémentaire, qui à mon avis en enlève beaucoup du prix, c'est que Rouletabille vieillit, n'est-ce pas ? À la suite de La Dame en Noir, vous avez Rouletabille chez le tsar, n'est-ce pas ? Où Rouletabille part pour la Russie pour essayer de protéger un général qui est poursuivi par des nihilistes, n'est-ce pas ? C'est longtemps après, ça se passe en 1905. Ça se passe en 1905. Par conséquent, c'est déjà 10 ans après la Dame en Noir. Donc par conséquent, Rouletabille a plus de 30 ans, n'est-ce pas ? Ensuite, vous avez le Château Noir qui se passe alors dans les Balkans, au moment de la guerre des Balkans, où le Château Noir, c'est un peu Dracula, le Château des Carpates, enfin c'est un très, très méchant homme qui vit dans un château dans ce pays-là, entouré par des sbires, et qui terrorise le pays et qui est la cruauté même. Enfin, ça se passe vers 1912. Par conséquent, Rouletabille est près de la quarantaine, n'est-ce pas ? Donc il n'est plus du tout le petit jeune homme, reporter, amusant, dégagé, drôle, qu'on traite en enfant, on dit toujours le bon petit, on l'appelle. C'est plus un petit, il a près de 40 ans. Hein. Près de 40 ans, on n'est plus un petit. José Cabanis, le 23 août 1993, sur France Culture. À réécouter ou à télécharger, ainsi que les épisodes précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, le 24e et avant-dernier épisode du mystère de la Chambre jaune.